إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le deuxième cours dans la lecture du livre Haqiqatu Shura fi l'Islam, la réalité de la Shura, hein, de la consultation, de la concertation dans l'Islam. Et donc on a fini l'introduction de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, et maintenant on commence avec le texte, le premier chapitre, ou le premier point dans le livre. Bon, c'est le début de l'introduction du sujet, le début ou de l'entrée dans le sujet lui-même. Haqiqatu shura fi l'islam, la réalité de la shura dans l'islam. Il dit fa hadithi ma'akum huwa haqiqatu shura fi l'islam fa nahmadullah alladhi hadana li hadha ad-din wa akramana bihi فنسأله تعالى الثبات عليه حتى نلقاه وهو راض عنا. Donc le cheikh il dit le sujet de ma discussion avec vous aujourd'hui, ou de ce que je vais vous parler aujourd'hui, de ce que je vais parler avec vous, c'est la réalité de la shura dans l'islam. Et on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a guidés à cette religion et qui nous a honorés par cette religion. Et on lui demande de nous raffermir sur la religion jusqu'à ce qu'on le rencontre et qu'il soit satisfait de nous. Hein? Et ça, c'est des choses très importantes que le cheikh mentionne déjà en commençant la louange d'Allah et la mention du fait que c'est lui qui nous a guidés et qu'il nous a honorés par l'islam. Parce qu'il n'y a pas de grâce plus grande que Allah peut faire à quelqu'un que la guidance et que le bien, hein, d'être sur l'islam. Et une fois être entré dans l'islam, il n'y a pas plus grande grâce que le fait d'avoir trouvé la sunna et de suivre l'exemple et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des salaf al-salih. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la fermeté et de rester accroché à cette voie jusqu'à notre mort, et que lorsqu'on le rencontre, eh bien il va être satisfait de nous, hein. Ensuite il dit thumma inna jahla kathirin min al-muslimin haqiqata dinihim wa khasa'isa islamihim wa si'ata shari'atihim wa samahatiha وصلاحها دائما وأبدا وأنها إنما أنزلت للبقاء ما بقيت الدنيا وأنها ليست بتصورات بشريعة وإنها ليست نظرية أو إنها ليست وأنها ليست بتصورات بشرية ولا نظريات ولكنها تنزيل من رب العالمين وقد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Donc le cheikh il dit, puis ensuite il y a beaucoup de musulmans qui ignorent la réalité de leur religion et les particularités de leur islam, et ils ne savent pas ou ne sont pas au courant à quel point est vaste leur révélation et la charia qu'Allah leur a donnée, et comment elle est miséricorde, et comment elle est tolérance, et comment elle est valable et apte, valable, ou bien plutôt que, comment elle est comment il est possible qu'elle s'adapte et qu'elle soit appliquée à toute époque. Et naam, du fait qu'elle peut être appliquée tout le temps et jusqu'à la fin des temps, et qu'elle a été révélée, cette charia, cette législation, pour qu'elle demeure tant que le monde existe, et que cette charia d'Allah, cette législation qu'Allah a révélée, cette révélation, elle n'est pas basée sur des idées humaines ou des conceptions humaines ou des théories, mais c'est une révélation du Seigneur des mondes. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le messager honnête et fiable, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié la révélation, il l'a ramené, cette sharia, paix et salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il est important donc ici, par rapport à ce que le cheikh explique, de comprendre premièrement que, comme il dit, que les musulmans, beaucoup de musulmans ignorent la réalité de leur islam. Ils ignorent la réalité de qu'est-ce que c'est cette charia. Déjà, le mot charia lui-même, beaucoup de musulmans, ils ne savent même pas ce que ça signifie. Et lorsqu'on parle du mot charia, la chose qui vient à l'esprit des gens, en général, c'est qu'est-ce qui a rapport avec les peines islamiques dans le fait de lapider la personne qui fait l'adultère, ou de couper les mains de la personne qui a commis un vol, ou bien de tuer les responsables de crimes qui ont fait des meurtres ou des choses comme ça, d'appliquer sur eux ces peines islamiques. Toutefois, ça c'est uniquement une partie de la charia. C'est pas la charia en entier. Et qu'est-ce qui est important de comprendre aussi, parce que l'autre jour j'écoutais certains journalistes qui parlaient de l'islam, et en particulier ils voulaient critiquer certaines personnes qu'ils avaient considérées ou qualifiées d'extrémistes musulmans, et de radicales musulmans ou des choses comme ça. Yarhamukallah. Et yani, ils disaient par exemple à propos de ces musulmans-là, que ce sont des extrémistes. Et la raison pourquoi ils ont été qualifiés d'extrémistes par ces journalistes, c'était parce qu'ils croient en la charia, ou parce qu'ils acceptent la charia, ou parce qu'ils les éloges de la charia. Donc, quand j'ai entendu ce journaliste dire ça, c'est comme si je me suis dit en moi-même, comment ces gens-là sont ignorants de la réalité de l'islam. Mais d'un côté, c'est pas surprenant parce que ce sont des non-musulmans, ce sont des athées ou des juifs ou des chrétiens ou des laïcs, des gens comme ça qui croient pas en l'islam. Toutefois, il y a beaucoup de musulmans qui eux aussi ignorent le mot sharia, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, si cette personne avait compris ou avait su qu'est-ce que c'était la charia, elle n'aurait jamais dit une parole aussi bête et quelque chose d'aussi ridicule que de dire ces gens-là, de dire que ces musulmans extrémistes-là, ils croient en la charia. Puisque la charia, il faut bien comprendre une chose, quand on dit le mot charia, ça implique la religion d'Allah au complet. Tout ce qui a rapport avec l'islam. Parce que la charia, c'est qu'est-ce que Allah a révélé. Hein? Dans le Coran et dans la sunna. Donc tout ce qui est dans le Coran et tout ce qui est dans la sunna, c'est qu'est-ce qui compose la charia. Donc quand tu dis le mot charia, c'est ça en fait que tu es en train de dire. Hein? Que tu dois suivre la charia d'Allah, ça veut dire suivre la révélation d'Allah. Suivre qu'est-ce qui est révélé dans le Coran et dans la sunna. Pas seulement les peines pour des crimes ou le code pénal, mais tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la sunna, que ce soit les règles de la salat, les règles de la purification, les règles de la croyance, la aqidah de l'islam, les règles du tawhid, hein, les règles de la salat, de la zakat, du hajj, hein, les règles du jeûne du ramadan, les règles de l'habillement, le mariage, le divorce, les héritages, tout ce qui est dans le Coran du début jusqu'à la fin, tout ce qui est dans la sunna, tout ça, ça comprend la charia d'Allah. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui vient d'Allah. Et un musulman, il n'a pas un choix de dire j'accepte la charia ou j'accepte cet aspect de la charia et de dire genre celle-là je la rejette ou celle-là je l'accepte pas ou cet aspect-là de la charia je ne suis pas d'accord avec celle-ci. Un musulman ne peut pas dire ça, il n'a pas le droit de dire ça, sinon il n'est pas musulman. Parce que personne n'a le droit de rejeter quoi que ce soit de ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Il est obligé de tout accepter qu'est-ce qui est dans la révélation. Donc ça c'est très très important. Et donc c'est pour ça que déjà je voulais mettre cette note là en partant. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je voulais mentionner cette note là en commençant pour que ce soit très clair que tous les musulmans sans exception ont le devoir et l'obligation de croire et d'accepter la charia, puisque la charia c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et qu'est-ce qui est dans la sunna. Hein? Et que ça ne se limite pas uniquement au fait d'accepter, par exemple, des éléments qui ont rapport avec les peines islamiques ou les châtiments islamiques pour certains crimes, hein, comme c'est mentionné parfois par certaines personnes. Ça, c'est seulement une partie de la charia, c'est pas la charia au complet. D'accord? Donc, si on dit que d'accepter la charia d'Allah, ça fait de nous un extrémiste, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tous les musulmans, sans exception, sont des extrémistes. Hein? Et ça, bien entendu, il n'y a personne qui dit ça, sauf des ignorants. Sauf des gens qui ne connaissent rien, ou qui ne comprennent rien, ou des gens qui veulent faire exprès, justement, pour stigmatiser des gens. Ensuite, le cheikh, il continue, il dit « Inna jahla kathirin min al-muslimina li hadhihi al-haqa'iq min dinihim » جعلهم لقمة سائرة لكثير من الاتجاهات الفكرية وكثير من الحركات المستحدثة التي قد تطلق على نفسها أو تطلق على نفسها أحيانا الحركات الإسلامية لتروج وتقبل لدى السذج من الناس ولقمة سائرة للمذاهب المادية التي غزت العالم الإسلامي واجتالت كثيرا من المسلمين من المذاهب الغربية والشرقية واستولت على كثير من الكتاب المستحدثين وخاصة في المجال الدستوري والاقتصادي فرأينا منهم من يقدس الغرب ومنهم من يقدس الشرق كما لعبت الأفكار العقلانية الملحدة والماسونية العالمية الخفية دورها في صفوف شبابنا حتى شوشت عليهم ونتج من ذلك كله أنزل كثير من الكتاب وبعض المثقفين المنتمين إلى العلم زلة ارتبك بسببها كثير من المثقفين. وقد قيل قديما زلة العالم زلة العالم. Donc le cheikh il dit que l'ignorance de beaucoup d'entre les musulmans des réalités de leur religion les a fait d'eux qu'ils sont devenus une bouchée facile pour toutes les différentes tendances idéologiques. Et beaucoup de mouvements récents qui ont été inventés nouvellement et qui apparaissent dans le monde musulman et qui se décrivent eux-mêmes parfois comme étant des mouvements islamiques. Et il ramène ces idéologies-là et ces principes-là pour propager ces choses-là parmi les gens naïfs, parmi les musulmans, pour qu'elles soient acceptées d'eux. Et ils deviennent donc des bouchers faciles qui sont avalés par les groupes et les partis et les voies matérialistes. Comme par exemple le communisme, le socialisme et d'autres tendances matérialistes comme ça. Quand on dit matérialiste, c'est-à-dire des gens qui, ou des idéologies qui se basent uniquement sur qu'est-ce qui est palpable ou touchable, qu'est-ce qui a rapport avec les sens. Des gens qui nient ce qui est au-delà de nos cinq sens. Ils ne croient pas au ghaïb, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas à l'enfer. Ils ne croient pas aux livres, aux messagers, ils ne croient pas à la résurrection et ainsi de suite. Ce sont des gens qui sont des matérialistes, c'est-à-dire ils croient que en la matière et tout ce qui est en dehors de ça, ils le renient et ils le rejettent. Tout ça, soi-disant, ils prétendent que c'est au nom de la science. Ils disent nous on ne croit pas en ça parce que c'est pas scientifique, c'est pas ci, c'est pas ça. Et ainsi de suite. Alors qu'on sait très bien que la science ne peut pas nier la réalité de ces réalités que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélées dans le Coran, et que ce sont des choses que la science ne peut même pas nier du tout. Et même si certains d'entre eux essaient de ramener des arguments pour essayer de nier ces choses-là, eh bien, elles ne réussissent pas. Et la réalité, c'est que ces réalités qui sont révélées par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne les accepte pas, c'est lui qui a contredit la raison en réalité. Et c'est lui qui a renié le bon sens. Puisque celui qui renie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est contredit lui-même. Il a contredit le bon sens et la raison. Puisqu'il affirme en disant que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, il affirme que tout ce qui existe est apparu par lui-même et que il n'y a pas de créateur. Et ça, personne ne peut nier cette réalité que Allah a créé l'univers et que c'est lui le maître de toutes choses, excepté une personne qui s'est aveuglée elle-même, qui s'est enflée d'orgueil et qui refuse d'affirmer qu'est-ce qui est l'évidence même. Donc, beaucoup de musulmans se sont laissés attraper par ces tendances-là et par ces voies qui viennent soit de l'Orient ou de l'Occident et qui ont pris le dessus sur la mentalité et les idées de beaucoup d'entre les écrivains modernes et qui, en particulier dans les questions qui ont rapport avec les constitutions et l'économie et la politique et des choses de ce genre, on a vu beaucoup d'entre eux commencer à vénérer l'Occident et certains d'entre eux qui vénèrent l'Orient. Et les idées ont commencé à jouer avec eux. Et il mentionne le cheikh les idées al-aqlaniya wa al-mulhida wa al-masoniya al-alamiya al-khafiya. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ces idées-là. C'est-à-dire les idées des athées, les idées matérialiste comme on a mentionné, puis les idées de la franc-maçonnerie internationale qui est un genre de société secrète qui propage ces idées parmi les gens de tous les différents pays et ils existent partout et c'est comme des gens d'association ou des gens de clubs privés où seulement les membres initiés peuvent participer. Et certains d'entre ces clubs, eh bien, soit que ce sont des gens qui sont choisis par d'autres membres pour les inviter à entrer, ou d'autres c'est parce que quelqu'un se présente lui-même pour vouloir, hein, parce qu'il veut devenir membre. Donc ce sont des groupes secrets, hein. Et comme par exemple qu'est-ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, ben c'est connu comme étant une association qui est secrète, et que c'est un genre de système à l'intérieur qui est divisé en différents degrés, et que à chaque degré il y a des secrets, ou soi-disant qu'est-ce qu'ils appellent eux, des secrets qui sont mentionnés ou révélés à des gens selon leur niveau. Et pour rentrer dans ces groupes-là, il y a des initiations à faire, hein, et il y a toutes sortes de trucs qui sont rajoutés à ça. Et eux, ils prétendent qu'ils ne sont pas des religions, mais en fait, ils se considèrent comme étant au-dessus des religions, puisqu'ils disent que tout le monde peut en faire partie. Et ils se considèrent comme étant une fraternité. Une fraternité. Et déjà, les ulama de l'islam ont clarifié que dans l'islam, hein, il n'y a pas de place pour différentes fraternités autres que la fraternité de l'islam. Innama al-mu'minuna ikhwa. Uniquement les croyants sont des frères. Donc quelqu'un ne peut pas être musulman puis avoir une fraternité qui est basée sur autre chose que l'islam, avec d'autres individus. Donc s'il rentre dans la franc-maçonnerie, il va être frère avec un hindou, avec un bouddhiste, avec un athée, avec un chrétien, avec un juif. Et na'am. Donc, c'est comme une religion, na'am. Même si eux, ils disent non, on n'est pas une religion, mais la réalité, c'est que c'est une religion. Et exactement. Il y a des gens qui se disent musulmans, qui rentrent dans ces groupes franc-maçonniques-là, et on leur fait croire que c'est pas des religions. Des fois, il y en a qui vont peut-être, ils savent pas la réalité de ces choses-là. Et il y en a parfois qui rentrent et qui savent la réalité, hein, à un moment donné, ils découvrent peut-être la réalité. Et il y en a même parfois qui sont rentrés dans le passé et qui ont découvert des choses, qui ont compris par la suite que c'était pas correct, et qui ont quitté, et qui ont averti les musulmans au sujet de ces groupes-là. Et il y a même des fatwas des ulama à ce sujet-là. Comme par exemple Hayat Kibar al-Ulama en Arabie Saoudite et Al-Lajnatu Da'ima, ils ont une fatwa claire sur la franc-maçonnerie qui mentionne que celui qui en fait partie et qui est conscient de ce qu'elle représente et qui connaît ses réalités, ben dans ce cas-là, il est kafir, il n'est pas musulman. Ouais. Oui, les clubs Rotary, les clubs Lions, tous les clubs de ce genre là, tu le vois. Et ça la franc-maçonnerie, tu le vois beaucoup aux États-Unis, plus qu'au Canada. Au Canada tu le vois, mais plus aux États-Unis, subhanallah. Aux États-Unis, qu'est-ce qui m'a toujours surpris quand tu vas là-bas? Chaque fois tu rentres dans une différente ville, à l'entrée de chaque ville, il y a un grand panneau avec toutes les différentes associations qui sont présentes dans cette ville-là. Donc tu vas voir les signes de la franc-maçonnerie, les signes par exemple des groupes comme Kiwanis, les chevaliers de Colomb. Ici au Québec, par exemple, ils ont ramené les chevaliers de Colomb pour pas entrer dans la franc-maçonnerie anglaise, parce que les Anglais sont des protestants et les catholiques interdisaient les prêtres interdisaient aux catholiques de rentrer dans la franc-maçonnerie anglophone, anglaise, parce que ils étaient sur le rite protestant de l'Angleterre. Alors ils ont inventé leur propre franc-maçonnerie basée sur la croyance catholique. Ils ont appelé ça les chevaliers de Colomb. Et il y a d'autres groupes aussi, comme ça. Bon, je ne me rappelle plus de tous les noms là, mais c'est tout dans le même principe, et tout dans les mêmes idées. Et ils essaient de se montrer comme des œuvres de charité, des associations à but humanitaires ou des choses comme ça, mais la réalité c'est que derrière ça il y a des choses qui sont pas toujours dites, qui sont pas toujours clarifiées ou mentionnées, et que même les membres eux-mêmes de ces associations là ignorent, parce que c'est pas tout le monde qui est au même degré dans ces groupes là. Il y en a qui sont à des degrés, comme dans la franc-maçonnerie ils ont divisé ça en 33 degrés. Eh bien, c'est ça. Chacun, ils ont leur degré, puis chacun, ils ont leur niveau d'information. Et comme tu disais, ces choses-là sont propagées dans les pays musulmans. Et il y en a dans la plupart des pays musulmans, il y a des loges franc-maçonniques. Hein? Et ces groupes franc-maçonniques et ces loges, ils ont un grand rôle dans qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans. Puis ils essaient d'influencer les gens qui sont au pouvoir. Et c'est eux qui sont souvent derrière la propagation de ces idées de laïcité, démocratie, des droits de l'homme, et qui combattent la religion avec ces principes-là, et qui s'attaquent à la religion en se basant sur ces idéologies-là, et c'est eux qui propagent ça. Donc, si tu veux trouver des gens, parce que tu peux pas savoir qui est franc-maçon, qui est pas franc-maçon. C'est pas écrit dans le front des gens, à moins que quelqu'un le dise lui-même, tu peux pas savoir. Des fois, ils ont des signes, des choses qu'ils font entre eux pour se reconnaître, mais nous, ça ne nous intéresse pas de savoir ça. Qui est franc-maçon, qui n'est pas franc-maçon, des choses de ce genre. Ce n'est pas ça l'important. Qu'est-ce qui est important pour nous de savoir, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit dans le Coran les différentes catégories de personnes. Il nous a parlé des mu'minines, il nous a parlé des kafirines, il nous a parlé des munafiqines, hein, les croyants qui sont clairs, les mécréants qui sont clairs, et les munafiqines, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont croyants, mais que dans leur cœur, ils ne croient pas en l'islam. Et il nous a décrit les munafiqines par certaines caractéristiques. Et nous, c'est en regardant ces caractéristiques-là qu'on essaie de voir les signes apparents de ces gens-là. D'accord? Donc, parmi les caractéristiques des munafiqines que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, c'est qu'ils prennent pour alliés les non-croyants. Dans le sens qu'ils sont d'accord avec eux et ils aiment leurs croyances qui sont en opposition avec la foi des messagers et l'enseignement des prophètes. Donc, tu les reconnais par ces signes-là en particulier. Ils défendent le kufr et le shirk. Ils aiment le mal. Ils ordonnent le mal et interdisent le bien. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ça, tu le vois dans les descriptions du Coran. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et beaucoup d'autres choses. Donc, nous, on se base là-dessus. Pas sur qui est quoi, qui est qui. Dans le sens de la franc-maçonnerie, puisque c'est des groupes secrets. Et il y en a plein qui rentrent maintenant dans les trucs des complots franc-maçonniques, essayer de comprendre les conspirations et essayer de comprendre les Illuminati, qu'est-ce qu'ils appellent les Illuminati, puis des trucs comme ça. Hein, c'est ça. Donc, tout ça, c'est relié à la franc-maçonnerie. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est que ces choses-là, si celui qui rentre dans ces complots ou dans ces conspirations, il perd son temps, parce que c'est de la conjecture. Tu ne peux pas même prouver qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ces choses-là, à moins que tu aies des documents, des preuves, des choses officielles qui te permettent de savoir ce qui est vrai ou non. Eux, ils ont voulu que ce soit secret ou caché, donc ce n'est pas ça l'important. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a expliqué et clarifié toutes ces choses-là, sans avoir besoin de rentrer dans leur complot ou leur truc à eux. Donc ça, c'est parmi les choses qui corrompent le monde aujourd'hui, c'est ça. Ok? L'important de comprendre, c'est que c'est des gens qui combattent la religion. Ils combattent l'islam, qui est la religion de la vérité, et même ils combattent les religions fausses aussi, comme le christianisme, le judaïsme et les autres fausses religions. Parce que ils sont contre le fait que l'homme obéisse à Dieu. Hein? Même si c'est dans des éléments de ces religions-là qui sont en accord avec l'islam, ils l'opposent aussi. Donc, naam, donc par, ils ont essayé de propager ça parmi les rangs des jeunes. Beaucoup parmi les groupes des hezbiyyins et des jeunes bid'ah sont dans ces groupes-là, ils font partie des organisations de la franc-maçonnerie. Beaucoup des groupes et des tendances des hezbiyyins, des jeunes bid'ah et des partis soi-disant islamiques font partie des gens qui sont reliés à la franc-maçonnerie et qui propagent ces idéologies-là. Tous ceux qui appellent les musulmans à participer dans le système des koufars, justement, le système de la démocratie, de la franc-maçonnerie, les partis et les choses comme ça. Tout ça s'est inspiré de ces groupes-là, de ces organisations-là et de ces tendances-là. Et c'est eux qui créent la fitna dans la Ummah actuellement. Donc, ils ont commencé à déranger les musulmans, à déranger les jeunes en particulier avec ces idéologies-là. Et on a vu comme résultat de ça que beaucoup d'écrivains et beaucoup d'auteurs et beaucoup d'intellectuels, comme on les appelle, des gens qui prétendent posséder la science, eh bien, ils sont tombés dans des fautes et des erreurs à cause de ça. Et yani, on disait dans le passé, Zallatul alim, Zallatul alam, c'est-à-dire la chute du savant, c'est la chute du monde. C'est-à-dire quand le savant tombe, eh bien, c'est le monde entier qui tombe à cause de son erreur. Donc il dit ومن زلات هؤلاء المثقفين تفسير بعضهم الشورى في الإسلام بالديمقراطية الغربية أو بالبرلمان الغربي أو مجلس الشعب تخبطات تبنى على الجهل وسوف نفصل القول في هذه النقطة إن شاء الله تعالى. Donc le cheikh il dit parmi les exemples d'erreurs et des chutes de ces intellectuels ou de ces soi-disant hommes cultivés parmi les musulmans, parmi leurs erreurs, hein, c'est qu'ils ont interprété l'expression ou le terme shura, hein, la consultation dans l'islam, ils l'ont interprété comme étant la démocratie occidentale. Ou bien ils l'ont interprété comme étant le parlement, hein, ou bien Majlis al-Shab, l'Assemblée nationale, comme yani, ça se trouve dans les pays non musulmans. Donc ils ont dit, l'islam c'est la démocratie, et yani, qu'est-ce qui se passe chez les koufars en Occident, c'est, ça aussi c'est islamique, parce que dans l'islam on a un principe qui s'appelle la shura, et c'est la même chose que la démocratie. Donc ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont menti sur le Coran et sur la sunna, et ils ont déformé la réalité de l'islam. Le cheikh il dit takhabbutat tabanna 'an al-jahl. Donc c'est des faussetés, des erreurs qui sont basées sur l'ignorance, et on va détailler cette question-là inshallah en détail. On va clarifier cette chose-là en détail. Il dit wa min zallatihim, également parmi les erreurs qu'ils ont fait ces intellectuels-là ou ces, c'était des hizbiyyin en réalité, c'était des jeunes bid'a parmi les ikhwan et autres. Ils ont dit za'muhum ou za'mu ba'dihim an al-islam la yuqir nizam at-tabaqiyyat wal-mutafawit al-mutafawita bal yad'u ila al-qada'i ala at-tabaqiyya wa ila tawzi' ath-tharawat bayna an-nas حتى لا يكون هناك تفاوت بين الناس في أرزاقهم فيعدون التفاوت في الأرزاق ظلما ولا يكون هناك في زعمهم طبقة غنية مع وجود مسكين ذي مطربة حتى قال قائلهم إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية هكذا زعموا وهكذا ألسقوا بالإسلام ما ليس منه جهلا منهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc le cheikh il dit, et certains d'entre eux ont pensé, hein, ou bien la, certains d'entre eux ont pensé que l'islam n'accepte pas le système de classe sociale. Comme si l'islam n'acceptait pas, comme si l'islam n'acceptait pas qu'il y ait différentes classes sociales dans la société, comme c'est des pauvres, des riches, hein, des gens de différents degrés sociaux. Et ils essaient d'enrayer complètement le fait qu'il y ait des classes sociales. Et ils veulent dire que l'islam ordonne de redistribuer les richesses entre les gens pour qu'il n'y ait plus de pauvres et de riches. Et pour qu'il n'y ait plus de différence entre les gens et d'écart entre les gens dans les moyens de subsistance qu'ils possèdent. Et donc ils considèrent ou ils pensent que le fait qu'il y ait des différences entre la subsistance des gens et les différents moyens de subsistance des gens, ils considèrent ça comme étant de l'injustice. Et pour eux, il ne doit pas y avoir une classe riche avec la présence de certains pauvres. Il ne doit pas y avoir des riches et des pauvres. Même que certains d'entre eux ont dit que l'islam est un cri au visage de yani des différentes de le fait qu'il y ait des classes sociales. Et il dit que ça, cette idée-là, c'est ainsi que ces gens-là ont pensé et c'est ça qu'ils ont collé à l'islam alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ils ont fait ça par ignorance, en pensant qu'ils étaient en train de faire quelque chose de bien. Ils ont dit ça à propos de l'islam, et ils pensaient faire du bien, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec l'islam. وَسَوْفَ نَتَحَدَّثُ عَنْ هَاتَيْنَ النُّقْطَتَيْنَ حَدِيثًا نَتَجَاوَلُ فِيهِ يعني نُحَاوِلُ فِيهِ بَيَانَ براءة الإسلام من هاتين التهمتين. Donc il dit on va parler pour essayer de clarifier ces deux points-là et pour montrer, on va essayer de montrer l'innocence de l'islam vis-à-vis de ces deux principes-là ou de ces deux points-là importants. Et le cheikh effectivement il a écrit ce livre حقيقة الشورى في الإسلام, puis il a écrit un autre livre qui s'appelle توزيع الثروات في الإسلام, la distribution des biens dans l'islam, pour répondre aux socialistes. Parce que ces gens-là, c'est ça ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé d'interpréter l'islam à la lumière du socialisme, yani du socialisme communisme. Pour essayer de dire que l'islam essaie de combattre la richesse, qu'il y ait des riches et des pauvres, que tout le monde doit être égal. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est des idées qui viennent de Karl Marx, Engels et d'autres penseurs occidentaux qui ont ramené ces idées complètement contraires à la nature humaine même, comme on va le voir. Donc, qui est-ce qui a voulu qu'il y ait des différences entre les hommes dans leur richesse? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui divise la subsistance de tous les hommes et qui donne à chacun le risque qui lui a été prédestiné de vouloir éliminer la richesse et la pauvreté, c'est yani quelque chose déjà en partant c'est impossible, c'est pas possible, et yani c'est d'essayer d'aller contre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Premièrement, le cheikh il dit la première accusation qu'ils ont fait contre l'islam, c'est que c'est un système démocratique. اتهامه بأن نظام بأنه نظام ديمقراطي. Donc, essayer d'accuser l'islam d'être un système démocrate, alors que c'est faux. Et deuxièmement, اتهامه بأنه صيحة في وجه الطبقية. Donc, deuxième accusation, que l'islam est un cri au visage de la les différentes classes sociales. Comment on peut traduire tabaqiyya en un seul mot? Je ne sais pas le mot exact, mais pour faire comprendre que c'est le fait qu'il y ait différentes classes sociales, il y a les différents niveaux de classes dans la société. Naam. فَلْنَبْدَى بِالْأَوْلَى بِالْأُولَى مِنْهُمَا مُسْتَعِنِينَ بِاللَّهِ وَحْدَهِ. Donc on va commencer avec le premier point, l'accusation que l'islam est un système démocratique. الإسلام والأنظمة البشرية الوضعية. Donc il commence avec le point le premier point, l'islam et les systèmes humains fabriqués. Il dit إِنَّ الْحَاكِمِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَهَذَا مَا يُؤْمِنُ بِهِ كُلُّ مُسْلِمٍ وَاعٍ لَمْ تَتَغَيَّرْ فِطْرَتُهُ بِالْأَفْكَارِ الْغَرْبِيَّةِ أَوْ الشَّرْقِيَّةِ لِأَنَّ تَوْحِيدَ الْحَاكِمِيَّةِ هو توحيد التشريع نفسه وهو نوع من توحيد العبادة فلا عبادة إلا لله إذن فلا حاكمية إلا لله وحده لا لفرد أو حزب أو شعب. Donc le cheikh il commence et il dit que dans l'islam le jugement appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce que chaque musulman qui comprend la religion comme il faut a compris. Hein? C'est ce que tout musulman a compris si sa fitra, sa nature profonde, n'a pas été changée ou corrompue par les idéologies occidentales ou orientales. Parce que le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement, et le fait de croire que le jugement ne revient que à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est-à-dire que le jugement dans l'islam c'est uniquement quelque chose qui revient à Allah, le fait de rendre halal et rendre haram, ça c'est seulement Allah qui peut le faire, le fait de rendre légal ou illégal, licite ou illicite, permis ou interdit, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de faire ça, et que c'est son droit exclusif. Hein, il dit que c'est une catégorie parmi les catégories du tawhid dans l'adoration. Ok? Et donc, tout, comme on dit, lorsque on parle du tawhid dans l'adoration, on dit nulle adoration excepté pour Allah, c'est-à-dire toute adoration revient uniquement à Allah, eh bien, on dit la même chose aussi pour al-hakimiyya, dans le sens qu'il dit il n'y a pas de hakimiyya, il n'y a pas de jugement excepté à Allah seul. Et que le jugement ne revient pas à un individu, ou à un parti, ou à un peuple. Hein? C'est pas le peuple qui dirige. C'est pas un individu qui décide, ou qui dit. Dans le sens que, c'est pas un individu qui rend halal ou haram et qui juge, ou un parti, ou le peuple. Dernièrement, quand il y a eu les manifestations dans les pays arabes, les responsables des différents groupes islamiques ont dit que c'est la volonté du peuple qui décide dans l'islam, et que c'est le peuple qui doit décider qui le gouverne. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils ont dit ça lorsque eux ont pris le pouvoir la première fois. Ils ont dit, on doit respecter la volonté du peuple et écouter la volonté du peuple. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils ont profité des manifestations en leur avantage. Mais une fois qu'ils se sont fait enlever du pouvoir et que les gens sont sortis dans la rue pour les enlever eux, tout d'un coup, le discours est changé maintenant. Et là, il ne faut plus écouter tout d'un coup la volonté du peuple selon eux. Alors que c'est ce qu'il disait au tout début. Et ça nous montre pourquoi l'islam interdit les manifestations, pourquoi l'islam interdit les révoltes contre les dirigeants, pourquoi l'islam interdit aux gens de se soulever contre leur gouverneur, même s'il est injuste, puisque ça va ramener toujours de l'instabilité politique, ça va devenir un jeu. Chaque fois que les gens ne sont pas contents de quelque chose, ils vont sortir dans la rue pour dire, bon là maintenant, on ne veut plus celui-là au pouvoir. Là, ils vont l'enlever, ils vont ramener un autre. Et là, l'autre, la même chose, s'ils ne sont pas contents, ils vont sortir encore dans la rue pour l'enlever. Et allez, et quand est-ce qu'ils vont commencer à établir quelque chose dans le pays? Jamais, parce que à chaque fois ils disent, mais lui il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, on n'a toujours pas de la société ou la vie, ça fonctionne pas bien comme on voudrait, donc il faut l'enlever, mettre un autre. Hein? Et donc ça va faire en sorte que il y aura toujours du chaos et du désordre dans la société. Et c'est ça ce qui se passe. Juste une note par rapport au terme hakimiyya. Il n'y a pas dans l'islam, qu'est-ce qui s'appelle, il y a pas, les ulama, ils n'ont pas établi ou ramené une catégorie qu'on appelle dans l'islam al-hakimiyya, le tawhid de al-hakimiyya. Ça, c'est une bid'a qui a été ramenée par les hizbiyyin, en fait. Et ils ont ramené cette bid'a de tawhid al-hakimiyya uniquement pour pouvoir se concentrer sur la politique, pour pouvoir faire le takfir des dirigeants. Et pour pouvoir justifier le fait d'appeler à la révolte contre le dirigeant en le déclarant kafir. Hein? Et donc, on sait que le tawhid dans l'islam se divise en trois catégories. Tawhid al-rububiyya, hein, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, sa souveraineté. Tawhid al-ibada, ou bien on l'appelle aussi al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et Tawhid al-Asma et al-Sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Ça, c'est les trois catégories de Tawhid. Donc, lorsqu'on parle de Tawhid Hakimiyya comme eux, ils le font, ils en ont fait une catégorie à part. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une catégorie à part. C'est vrai que dans l'islam, le jugement appartient uniquement à Allah et que les hommes n'ont pas le droit de légiférer, de faire des lois qui oppose qu'est-ce que Allah a révélé. C'est vrai, mais ça ne fait pas partie d'une catégorie distincte de Tawhid. De la même manière que lorsqu'on dit par exemple que dans l'islam, il faut mettre notre confiance uniquement en Allah. Et que ça s'appelle Tawakkul. Est-ce qu'on va faire une catégorie de Tawhid qu'on va l'appeler Tawhid ou Tawakkul? Hein? Et en islam, on doit avoir de l'amour uniquement pour Allah. Donc on va faire une catégorie séparée de Tawhid, puis on va l'appeler Tawhid al-Mahabba, ou bien on va faire une catégorie Tawhid al-Khawf, parce qu'on doit unifier Allah avec notre crainte, et craindre uniquement Allah. Donc on va faire une autre catégorie, puis on va l'appeler Tawhid al-Khawf. Non. Donc si on divise le Tawhid en différentes catégories de cette façon-là, ça veut dire qu'il y aura une quantité innombrable de catégories de Tawhid. Et ça veut dire que ces catégories-là n'auront plus de fin. Et c'est pour ça que les ulama, ils n'ont pas fait de al-hakimiyya une catégorie séparée, mais ils l'ont inclus dans tawhid al-ibada, puisque ça fait partie du tawhid de l'adoration. Hein? Al-hakimiyya, ça veut dire le fait que c'est Allah qui juge, que c'est Allah qui est celui qui détermine les verdicts et les jugements dans l'islam, qui rend halal et qui rend haram et qui rend permis ou interdit. Et il y en a aussi, il y a des ulama qui ont expliqué également que al-hakimiyya, ça rentre également dans al-rububiyya. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un jugement dans sa révélation, c'est-à-dire dans le Coran et dans la sunna, il y a le verdict et le jugement d'Allah. Et il y a aussi hukmullah fil kawn. C'est-à-dire le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et c'est son hukm kawni. Qu'est-ce qu'il ordonne dans l'univers de se produire? Parce qu'il n'y a rien dans l'univers qui peut aller contre son jugement. Hein, dans qu'est-ce qu'il a créé, dans qu'est-ce qu'il a prédestiné, dans qu'est-ce qu'il a voulu, hein, dans sa volonté. Donc ça rentre aussi dans Tawhid al-Rububiyya. Donc, Al-Hakimiyya, on peut le classer dans Al-Rububiyya et on peut le classer dans Al-Uluhiyya, dans l'adoration. Mais ce n'est pas une catégorie distincte de Tawhid. D'accord? Le Cheikh ici, il mentionne Hakimiyya, il ne faut pas comprendre ou s'imaginer qu'il parle de qu'est-ce que les Hizbiyyin, eux, veulent dire par le terme Hakimiyya. Il parle du terme par rapport au fait que ça fait partie d'une catégorie dans les catégories qui rentrent dans التوحيد العبادة. Il le dit lui-même. Il dit وهو نوع من توحيد العبادة. Hein? Donc ça fait partie de توحيد dans l'adoration. Et donc il dit فلا عبادة إلا لله. Donc il n'y a pas d'adoration excepté pour Allah et donc par conséquent il n'y a pas de jugement excepté à Allah seul. Et c'est à Allah seul que le jugement appartient et non pas à un individu, à un groupe ou au peuple. Les koufars, ils parlent souvent, par exemple, de qu'est-ce qu'ils appellent la volonté du peuple. Alors qu'on sait très bien que le peuple est composé d'individus et que chacun de ces individus a une volonté distincte qui lui est propre. Est-ce qu'on peut donc attribuer au peuple au complet une seule volonté? Hein? Est-ce que lorsque il y a les 2 millions de personnes sortent dans la rue alors que la population totale c'est 10 millions, est-ce qu'on peut dire que les 2 millions qui sont sortis dans la rue, c'est ça la volonté du peuple? Hein? C'est une minorité. 2 sur 10 millions, ça reste une minorité. Et même si on disait que c'était la majorité, est-ce qu'on peut dire que c'est tout le peuple? Non. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est la masse, hein, aveugle. Qu'est-ce que la masse aveugle décide? Et on sait que les masses peuvent être influencées, peuvent être contrôlées, peuvent être manipulées. Ces masses peuvent être manipulées de différentes façons, consciemment ou inconsciemment aussi. Hein? Et qu'est-ce qu'on appelle ici en Occident, par exemple, l'opinion publique? C'est le fait justement d'orienter les gens vers une opinion. Sans même que les gens s'aperçoivent de ce qui se passe, ils sont influencés à accepter une idée alors qu'ils pensent être libres et d'avoir un choix. Et bien en réalité, on leur impose une opinion par différents moyens, soit par la télé, par la radio, par les journaux, par les médias, par les publicités. Hein? Et ceux qui nient ça, eh bien, ils ont juste à voir les résultats de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des publicités pour un produit. Hein? Quand un produit, par exemple, personne n'a fait sa publicité, et que lorsqu'on sort une publicité à la télé pour un produit, tout d'un coup, tout le monde veut l'acheter. Hein? Et on voit les différences dans les ventes par la suite. Ça prouve que ça a un impact. Hein? Et qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce que les gens entendent dans les médias, eh bien, ça a une influence sur eux. Et donc, si par exemple, dans les médias, ils voient tout le temps une opinion qui est mise de l'avant et qu'on essaie de rabaisser d'autres opinions, eh bien, ils vont se sentir plus proches de l'opinion qui est mise de l'avant, qui est mise de l'avant. Même si, à la base, les gens sont un peu réticents vis-à-vis d'une opinion, mais lorsqu'ils font ce qu'on appelle du matraquage, hein, médiatique, à force de frapper tout le temps contre quelque chose, eh bien, les gens, à la longue, ils commencent à abandonner et à laisser tomber et à accepter l'idée. Ils abandonnent la résistance et puis ils acceptent. Hein? C'est comme qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire accepter l'homosexualité, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire accepter toutes sortes d'autres choses qui sont contraires à qu'est-ce que Allah a révélé, comme par exemple l'adultère, la fornication, toutes ces choses-là, comme si pour montrer aux gens que c'est correct, et pour interdire des choses qui sont bonnes et que Allah a ordonné, hein, comme par exemple le hijab et des choses comme ça. Yani, si tu mets tous les jours à la télé, à la radio, dans les journaux, des gens qui parlent contre le hijab, contre le niqab, contre l'islam, c'est sûr qu'à un certain moment donné, les gens vont commencer à dire « Ah oui, ça c'est vrai, c'est pas bon. Hein? » Pourquoi? Parce que tous les jours on leur dit ça et ils n'ont jamais entendu rien d'autre. Et on ne donne pas non plus la parole à ceux qui sont capables de clarifier les choses pour montrer aux gens la réalité. Et pour montrer aux gens qu'est-ce qui est bien dans ces choses-là et dans l'islam. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est ça. Les gens suivent. Et c'est ça qui se passe. Et dans les pays musulmans, il y a ça aussi. Hein? Donc, après le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَمَنْ يُمْعِنْ النَّظَرْ فِي وَاقِعِ الْأُمَمَ الْيَوْمْ يُدْرِكُ دُونَ شَكٍ أَنَّ مُعْظَمْ الْوَيْلَاتِ الَّتِي تَعِيشُهَا الشُّعُوبُ أَوْ أَكْثَرِهَا أو أكثرها مرجعها إلى إخضاع الحاكمية لتشريع بشري زمني واعتقاد صحة سلطة تشريعية بشرية مهما اختلفت ألقابها. Donc le cheikh il dit que si on concentre notre regard sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans les nations aujourd'hui et qu'on observe qu'est-ce qui se passe, on va comprendre sans aucun doute que la plupart des malheurs que les peuples vivent, ou la plupart des peuples vivent aujourd'hui, leur problème retourne au fait qu'ils veulent essayer de soumettre les gens et d'essayer de mettre les gens sous la gouvernance ou sous le jugement des législations humaines qui sont limitées dans le temps, hein, et de leur faire croire en la validité de ces législations humaines qui ont été établies, peu importe le nom qu'on leur donne, hein. Donc lorsque les hommes commencent à croire que c'est correct pour d'autres êtres humains de commencer à faire des lois et à dire ça c'est légal et ça c'est illégal, ça c'est permis et ça c'est interdit, pas en se basant sur qu'est-ce que Allah a révélé, mais en se basant sur qu'est-ce que eux ont décidé, eh bien c'est là que les peuples commencent à devenir corrompus. Et c'est là que les gens commencent à devenir perdus et égarés. Et c'est ça qui ramène la plupart des malheurs dans le monde, hein. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien et le mal va être défini selon ce que la majorité décide et selon ce qu'un groupe de la population décide, sans revenir là-dedans au jugement de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que lui a décidé et qu'est-ce que lui a révélé. Et c'est ça qui ramène le désordre et la corruption et le mal dans le monde. Aujourd'hui, bon, juste pour vous donner un exemple, quand on discute des lois et des peines et des choses qui ont rapport avec le jugement, tu vois que par exemple aux États-Unis, les États-Unis c'est un pays, hein, c'est un pays, mais est composé de différents États. Dans chaque État, il y a des lois différentes, hein. Quelque chose peut être légal dans un État et dans l'État d'à côté, c'est illégal. Ça veut dire tu marches comme ça, hein? Là, tu fais un crime, t'es un criminel. Tu t'enfuis, tu t'en vas dans l'état d'à côté, t'es plus criminel maintenant. Et qu'est-ce qui a changé? C'est juste que t'as traversé une ligne, hein? Cependant, je me rappelle quand j'étais petit, hein, quand on regardait les émissions de policiers, hein, des émissions de police et des policiers, des criminels, ils pourchassent des criminels. Ils s'en vont sur la route, ils arrivent quelque part. Tout d'un coup, la voiture, elle roule, le voleur ou le criminel, il s'arrête, et là, le policier, il s'arrête, et là, le voleur ou le criminel, il sort de sa voiture, et il se tient comme ça, il regarde le policier, et il a dit, tu vois cette ligne, à partir d'ici, tu veux plus m'arrêter, parce que ça y est, ici, c'est permis, qu'est-ce que je fais, et c'est pas un crime. Et là, le policier, il peut rien faire, effectivement, parce qu'il n'est pas dans sa limite là. Donc c'est pour dire comment quelque chose peut être légal et dans un endroit puis illégal juste à côté ou des choses comme ça. C'est parce que les gens ils s'inventent des lois et à un endroit c'est permis, l'autre endroit c'est interdit. Un côté tu vois ici ils vont dire bon ici deux hommes peuvent se marier mais à côté ils peuvent pas. Hein? Ici ça c'est permis, ça c'est interdit. Parce qu'ils veulent rendre, ils se donnent le droit de rendre licite ou illicite. Et ils ne réalisent pas que l'être humain, il est limité dans sa compréhension des choses, dans sa compréhension de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est mal, et des répercussions et des conséquences de ses actions et de ses gestes. Peut-être qu'à long terme, il ne voit pas le mal de quelque chose, mais que si on le laisse s'installer ce mal et qu'il commence à se propager dans la société, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, ça va devenir quelque chose de catastrophique. Parce que l'être humain, il est limité dans sa vision. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Et quand il a légiféré ses lois, parce que c'est ça l'argument souvent des koufars, c'est de dire, oui mais la charia de l'islam et le Coran s'est révélé, ça fait plus que 1000 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas des choses qui existent aujourd'hui. Hein? Donc, comment on pourrait suivre cette loi alors qu'aujourd'hui, elle n'est pas adaptée ou elle n'est pas mise à jour. Et nous, on dit que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas limitée par un temps ou par un espace, dans le sens que tu vas dire ça s'appliquait juste à cet endroit-là et que c'était juste pour cette occasion-là. Non. Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé les lois, la loi d'une façon pour qu'elle soit applicable pour toutes les époques qui suivent jusqu'à la fin des temps. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît le passé et l'avenir. Et quand il a légiféré, c'est avec sa connaissance parfaite de la nature de l'être humain et de ce qui est bon pour l'être humain, puisque c'est lui qui a créé l'être humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux l'être humain que Allah subhanahu wa ta'ala? Là. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. N'est-ce pas qu'il connaît celui qui a créé, alors que c'est lui le doux, al-latif, al-khabir, le bien informé? Donc si c'est lui qui t'a créé, il ne sait pas comment tu fonctionnes, pas seulement physiquement, mais également dans ton âme, et dans tes désirs, et dans tes passions, et dans tes inclinés, dans qu'est-ce que tu es incliné à faire, et des choses de ce genre. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, c'est pour une sagesse. Il a interdit l'alcool pour une sagesse. Il a interdit at-tabarruj, le fait que les femmes s'exposent et exhibent leur charme, pour une sagesse. C'est pas pour faire de l'injustice à quelqu'un, c'est pour son bien, c'est pour le bien de l'humanité. Et il n'y a rien dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui amène du mal à l'humanité. Peu importe. Si n'importe quelle société décide d'appliquer les règles de l'islam, c'est impossible que ça leur ramène du mal à cause de son application. Si ça ramène du mal, c'est parce qu'ils ne l'ont pas appliqué ou parce qu'ils ne l'ont pas appliqué correctement. Mais pas parce qu'ils l'ont appliqué elles-mêmes. Donc, mais tandis que tu regardes les lois, qu'est-ce que les koufars font et qu'est-ce qu'ils permettent et qu'est-ce qu'ils interdisent, et tu vois que le résultat, c'est le chaos et le désordre et la corruption et le mal. Et l'être humain, par nature, il est toujours incliné à faire le mal et à faire du mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas seulement révélé des lois dans le sens par rapport au fait de dire « Toi, tu es un croyant, tu ne dois pas faire ça parce que tu crois en Allah et ton jugement va être dans l'au-delà. » Il y a cet aspect-là pour le mu'min. Mais que dire de celui qui a la foi faible et qui ne peut pas se retenir par rapport à sa foi de faire ce qui est haram? Allah connaît les faiblesses de l'âme de l'être humain. Et que faire de celui qui ne croit pas? Et également, lui aussi, il doit être mis en contrôle, en limite, pour éviter qu'il dépasse la limite et qu'il transgresse contre les autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé seulement des lois et des règles dans le sens de les appliquer sur le plan spirituel individuel, mais aussi des lois civiles, des lois pour toute la société, pour que les gens puissent vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans l'ordre. Et donc, c'est pour ça que l'islam, c'est pas juste une religion dans le sens qu'est-ce que les koufars, eux, ont compris. Une religion qui se limite uniquement à la prière et à des choses spirituelles. Mais c'est une religion qui englobe tous les aspects de la vie, même la politique, même l'économie, même yani, tout ce qui a rapport avec la société, et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il dit... Tous ces problèmes-là, ça vient de ce facteur-là. Après, il dit... Après, il dit... فالديمقراطيون مثلا يجعلون الحاكمية للشعب ويزعمون أن الشعب الناضج هو مصدر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومنه وإليه يعود كل أمر من أمور التشريع ويرون أن ذلك هو العدالة لأن المجتمع صار يحكم نفسه بنفسه وهي العدالة التي يتغنى بها عشاق الغرب أو المؤمنون بهم. Donc le cheikh il dit, tu vois par exemple les démocrates, les gens qui croient à la démocratie par exemple, ils attribuent ou ils donnent le jugement au peuple. Parce que c'est ce que signifie même le terme démocratie. Beaucoup de gens savent même pas le mot démocratie lui-même, qu'est-ce qu'il signifie. Et ça vient de deux mots grecs qui sont réunis, rassemblés. Le premier de ces deux mots, c'est démos. Et le deuxième, c'est kratos. Kratos qui veut dire le pouvoir et démos qui veut dire le peuple. Et donc, si tu les rassembles ensemble, si tu les remets ensemble, ça veut dire le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. Demos kratos. Démocratie. Et donc, eux, ils prétendent que c'est le peuple qui doit se gouverner lui-même. C'est le peuple qui doit se gouverner lui-même. Et ils prétendent que la source de toutes les source de tous les pouvoirs politiques revient au peuple. Que ce soit le pouvoir juridique, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ces trois domaines du pouvoir politique, donc du pouvoir dans la société. C'est toujours divisé en trois catégories. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire des lois, de décider qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. Ça, vous le voyez, ils veulent toujours faire des nouvelles lois, des nouvelles chartes, des nouvelles législations pour rendre licite ou illicite quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a un qui va faire un projet de loi, il va présenter ça, et que si la majorité des ministres ou des députés ou des sénateurs ou de je sais pas quoi sont d'accord, bien là, ils vont tous voter. Si c'est une majorité qui l'emporte, bien la loi va être appliquée. Ça va être une nouvelle loi. Quelque chose peut être permis hier et puis demain interdit. Quelque chose peut être interdit hier puis demain il devient permis. Hein? Donc c'est pas, il n'y a pas de loi qui est, il n'y a pas de choses qui sont stables. On peut poser la question qu'ils nous posent, la question qu'ils nous posent à nous les musulmans, quand ils nous disent comment vous pouvez appliquer une loi qui ça fait 1400 ans qu'elle est révélée. On peut leur poser la même chose, cette question, parce que c'est eux aussi, ils ont des lois qui sont applicables à un moment donné, puis qui sont plus applicables à un autre moment donné, hein? Ou des lois, par exemple, qu'ils ne savent pas comment l'appliquer. Ils ne savent pas comment la mettre en application parce que les choses ont changé dans la société. Alors, dans ce cas-là, on va leur demander, mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Hein? Ou bien, quand vous devez mettre une nouvelle loi, il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans la société, comme l'Internet. Hein? Il y a de l'Internet qui est apparu. Là, ça a causé plein de problèmes parce qu'ils ne savent pas comment gérer ces nouvelles situations-là, des problèmes qui se passent avec Internet. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez faire des nouvelles lois. Mais les nouvelles lois que vous allez faire en basant sur quoi? Sur des bases, sur des principes que vous avez établis. Eh bien, dans la charia, il y a des bases, il y a des principes. Et c'est sur ces principes-là que les ulamas de l'islam, lorsqu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, se basent pour faire des ijtihads, pour amener sur des questions qui n'existaient pas, des nouvelles règles ou des nouvelles lois pour clarifier qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit dans ces questions-là. Hein? Mais toujours basé, inspiré sur les principes et les fondements de la charia. Tandis que vous, vous faites des choses comme ça basées sur des lois, des principes que vous avez inventés vous-même, les êtres humains. Hein? Donc, il n'y a pas de... c'est différent. Mais il y a quand même toujours la notion de vouloir, de dire que il y en a ici, une loi n'existait pas, ou si quelque chose de nouveau arrive, c'est pas comme si il y a rien qu'on peut faire. Il y en a dans la charia, il y a des réponses à toutes ces questions-là, et à toutes ces choses-là. C'est pas quelque chose qui nous laisse comme bloqué, qu'on peut pas trouver une réponse à ces questions-là. Il y a le qiyas, les analogies. Hein, et les ijtihads que les ulama font en se basant sur ces principes-là, c'est tout est régi sur des principes et des règles dans la charia. Il y a qu'est-ce qu'on appelle usul al-fiqh, le fondement du fiqh. Il y a qu'est-ce qu'on appelle aussi al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles de fiqh. Usul al-sunnah, ça c'est des règles encore plus fondamentales qui sont au-dessus de ces règles-là. Donc, aussi qui font partie de tout ça de la charia. Donc, ces fondements-là sont nos bases. Eux, ils ont d'autres bases, les kuffars, et qui sont des bases qui sont créées par des êtres humains, inventées par des êtres humains. Donc, ils pensent que le pouvoir législatif, c'est aux êtres humains. Le pouvoir exécutif, l'exécution du verdict, c'est les juges. Hein, quand, par exemple, la loi a été choisie par les ministres, les députés. Là, les députés, ils l'envoient par exemple à l'exécutif. Eux, le juge, avec les policiers, hein, la police, les juges, eux, ils vont mettre en application ces peines-là, et c'est ce qu'on appelle al-tanfidhiyya, l'exécutif, puis al-qada'iyya, c'est l'aspect juridique, législatif, juridique et exécutif. Donc ils disent que c'est tout ça, ça revient au peuple, et que c'est basé là-dessus, la justice est basée là-dessus, et que si une société se base sur ça, eh bien ça veut dire qu'elle s'est gouvernée elle-même, et que c'est ça la justice. Et c'est ça que les gens qui sont amoureux de l'Occident et qui croient en l'Occident appellent les musulmans à suivre dans les pays musulmans. Et c'est ça qui est surprenant aussi, de voir que dans les pays musulmans, des gens qui disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui disent qu'ils croient au Coran et qu'ils croient à la Sunna et qui suivent l'islam, qui appellent maintenant par la suite à ces idées-là. Et quand tu leur dis, mais ça c'est contraire à l'islam, ils disent, mais non, ça c'est pas contraire à l'islam, c'est la justice. Ajib, mais est-ce que c'est dans le Coran? Est-ce que c'est dans la Sunna? Non. Et je vais même aller plus loin que de dire, est-ce que c'est dans le Coran? Est-ce que c'est dans la Sunna? Je vais même aller jusqu'à dire, est-ce que c'est même dans l'enseignement d'un des prophètes que Allah a envoyé à l'humanité depuis le début de cette création? C'est-à-dire, regardez, même chez les livres des juifs et des chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? La Torah ou l'Injil? Hein? Est-ce que vous trouvez dedans des principes qui mentionnent ou qui parlent de la démocratie? Est-ce que Adam alayhi salam a parlé de la démocratie? Ou bien Ibrahim, ou Moussa, ou Isa, hein? Ou Daoud, ou Suleyman? Hein? Daoud était un roi, Suleyman était un roi, prophète. Et il y en a beaucoup d'autres par la suite. Il n'y a jamais aucun d'entre eux qui ont dit le peuple c'est la source du pouvoir et que c'est le peuple qui doit juger ou décider. Hein? Aucun des messagers d'Allah n'a jamais enseigné ces choses-là. Donc, d'où ça vient ça? Ça vient des peuples comme les peuples des Grecs. Hein? C'est de la Grèce antique que ça vient ces idées. Et c'est des peuples qui sont des idolâtres. En général, c'est des peuples mushrikin, comme les Grecs à l'époque qui adoraient toutes sortes de statues et d'images et de différents dieux. Et ils avaient pour chaque manifestation de qu'est-ce qui se passe dans l'univers, un dieu pour telle chose, un dieu pour telle idée, un dieu pour tel principe. Le dieu de l'amour, le dieu de la guerre, le dieu de la paix, le dieu de la... Hein? Le dieu de la mer, le dieu du ciel, le dieu de je ne sais pas quoi. Et ils adoraient toutes ces choses-là. Hein? Et c'est ça que les laïcs aujourd'hui, les athées aujourd'hui, qui appellent à ces idées-là, ils disent, nous on veut appliquer ça, mais ils oublient la réalité de la société dans laquelle ces idées à la base viennent, d'où ça vient, et comment c'est apparu. Parce que ce n'est pas possible que dans une société qui est basé sur le tawhid et qui croit en l'unicité d'Allah, qu'on retourne à ces principes-là. Ce n'est pas possible. Parce que c'est en contradiction même avec les fondements du tawhid. Et c'est ça que les musulmans ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui voient la religion de l'islam uniquement sur un plan superficiel. Et ils regardent juste, par exemple, les choses de façon apparente. Ils ne comprennent pas les fondements de l'islam et les fondements de la religion. Donc quand tu leur dis la démocratie c'est contraire à l'islam, ils disent mais comment ça? Parce qu'ils voient pas, ils ont pas compris cette religion-là sur ses bases. Donc ils peuvent pas juger comme il faut, ils arrivent pas à comprendre. La même chose lorsque le cheikh il dit ensuite wa amma an-nizam ash-shuyu'i fa innahu yara al-'adala fi hakimiyyat al-hizb al-hakim alladhi bi yadihi aw yuhibbu an yakuna bi yadihi zimam as-sulta at-tashri'iyya wa 'ala jami' an-nas أفرادا وجماعات أن يخضعوا لما يفرضه عليهم هذا الحزب الحاكم المتسلط بصرف النظر عن وجود الحزب المعارض أو عدم وجوده لأن الحزب المختار المتميز هو الذي يسن القوانين ويقدر العقوبات ويشرع التشريعات المختلفة إذ لا معقب لحكمه ويصدق على تصرف هذا الحزب وصلاحيته الواسعة قول القائل وإن قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي أو ما قالت حذامي. Donc le cheikh explique que dans le système communiste, c'est le parti au pouvoir qui dirige. Et wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et c'est lui qui tient le pouvoir en sa main, hein, et les règles de la législation. Et il pense que tous les gens, que ce soit des individus ou des partis, des groupes, s'ils croient que c'est le parti au pouvoir, parce que le communisme, ils n'acceptent pas en réalité, en principe, ils n'acceptent pas qu'il y ait plusieurs partis. Parce que pour eux, il doit y avoir un seul parti. C'est le parti communiste. Hein? Donc, en principe, il n'y a pas de différents partis. Et ils imposent tout le monde de respecter l'opinion du parti et d'être avec le parti. Et peu importe qui est, il dit peu importe qui est un opposant à ce parti-là ou non, et allez, le parti qui est au pouvoir, c'est lui qui fait les lois et qui détermine les peines et qui légifère les différentes législations et ainsi de suite. Et rien ne peut contredire ou opposer ou critiquer son jugement. Et là, donc on peut décrire ce parti-là par l'expression qu'on mentionne souvent en arabe. Si Hizam a dit quelque chose, alors croyez-la, car la parole qui est vraie, c'est la parole de Hizam ou de Hazam. C'est une expression que les Arabes disaient. Ils disent « Hadha al-mathal lil Jaym ibn Sa'b kanat Hazami imra'atuhu » فقال فيها زوجها لجيم هذا البيت. Donc c'est un homme qui s'appelait Lujaym ibn Sa'd. Et Hazam, c'était sa femme. Alors il a dit cette parole-là à son sujet. C'est devenu un proverbe maintenant. C'est devenu un proverbe en arabe. وأما النظام الدكتاتوري الفردي فهو النظام العسكري في الغالب فالحاكمية فيه لذلك الضابط المتسلط مع مجموعة من زملائه وهم يشرعون ما يشاءون حسب ما تملي لهم أهواؤهم في نوع من قمع واستفزاز مع ما لديهم من جهل بالنظم العامة والقوانين العالمية ولكنهم يحكمون بقوة السلاح. Donc il dit, et de même qu'il y a le pouvoir ou le système dictatoriel individuel, c'est-à-dire que c'est un système qui est basé sur un pouvoir militaire. C'est un pouvoir militaire. Et c'est le dirigeant, le chef, le capitaine, ou un soldat qui prend le pouvoir dans ce groupe-là, lui et ses amis, qui deviennent les dirigeant et qui décide qu'est-ce qui va être légiféré par le pouvoir. Selon leur passion, selon leur désir, avec même beaucoup de, parfois une sorte de, en tout cas ils sont très pas convaincus, mais en tout cas, ils essaient d'imposer ça par la force, et ils ont une grande ignorance des systèmes, des grands systèmes, comment ça fonctionne, et les lois internationales, ils connaissent pas ça. Ils jugent uniquement par la force de l'arme, des armes qu'ils ont. وأصحاب هذه النظم الجاهلية يعدون في الحكم الإسلامي أو في المنهج الإسلامي أربابا من دون الله. يعدون في الحكم الإسلامي أو في المنهج الإسلامي أربابا من دون الله وهم معبودون لشعوبهم وأتباعهم أدركوا ذلك أم لم يدركوا وذلك كله كفر بالله وبدينه أي أن النظم الديمقراطية والحزبية الشيوعية والديكتاتورية العسكرية القمعية ليست من الإسلام في شيء بل هي كفر بدين الله. Donc le cheikh il dit que les gens qui sont dans ces systèmes qu'on a parlé, des systèmes d'ignorance, ils sont calculés par selon le jugement de l'islam et dans la méthodologie, dans la voie de l'islam, ils sont calculés comme étant des égaux en dehors d'Allah, hein, des égaux avec Allah, comme s'ils se plaçaient comme s'ils étaient des dieux avec Allah, qui légifèrent eux aussi, qui rendent halal et haram selon leur passion, Donc que ce soit la démocratie, le communisme ou la dictature, dans toutes les différentes situations, ça c'est considéré dans l'islam comme essayer de se mettre à la place de Dieu pour légiférer. Et ça rentre dans le shirk, hein, et ça rentre dans le shirk, ça rentre dans le kofr. Et c'est comme s'ils ont ordonné à leur peuple, hein, et à ceux qui les suivent de les adorer. Qu'ils le réalisent ou qu'ils ne le réalisent pas. Et ça, c'est une forme de kofr avec Allah et un rejet de sa religion. C'est-à-dire que le système démocratique, ou les systèmes du parti communiste, ou la dictature militaire, tout ça, ça fait partie, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui font partie de ce qui est kofr, un rejet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est ça, qu'est-ce qu'on mentionne ici, c'est le verdict général. Est-ce que ça veut dire qu'on va commencer à faire le takfir de chaque dirigeant qui est au pouvoir dans un pays? Non. Parce que nous, on comprend le principe et le verdict lui-même. Ça, c'est ce que Allah dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans les textes. Maintenant, pour l'appliquer sur un individu, ça c'est autre chose. Ça revient aux ulama de l'islam. Et eux, ils vérifient si les conditions sont présentes et si les empêchements sont éliminés pour que ce verdict-là puisse être appliqué sur un individu en particulier. Mais de commencer à faire le takfir d'un individu et de parler d'un tel ou d'un tel en disant lui c'est un kafir, lui c'est un kafir, ça c'est quelque chose qui dépasse la limite, puisque ça nécessite de la science, de la compréhension et également c'est quelque chose qui est très dangereux quand on commence à rentrer dans la question du takfir et de déclarer les gens mécréants ou non. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et alhamdoulilah, les ulamas de l'islam ont parlé de ces questions-là et ils ont clarifié ces choses-là de façon très claire. Et c'est juste pour comprendre le principe. C'est pas parce qu'on explique ces choses-là que ça veut dire que on va avoir le droit de faire le takfir des gens. Mais c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est le kufr, qu'est-ce que c'est le shirk, et où est-ce que s'arrête la limite. Quand est-ce que tu dépasses la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que tu commences à tomber dans ce qui est contraire à ta religion? Donc, peut-être que des gens qui vont entendre, par exemple, des musulmans, on va dire, qui font partie des musulmans qui n'ont pas étudié l'aqida, ou qui n'ont pas étudié le tawhid, ou qui n'ont pas étudié ces principes-là, quand ils entendent des cours comme qu'est-ce qu'on parle dans ce livre-là, eh bien, ils vont peut-être trouver ça bizarre, parce qu'ils vont dire, mais pourquoi on parle de ces choses-là? Qu'est-ce que ça a un rapport avec l'islam? Eh bien, ça a un grand rapport avec l'islam, justement, parce que c'est relié avec les fondements de l'islam. Quand les koufars, ils ramènent ces systèmes et ces idées-là dans les pays musulmans, ils essaient de leur faire comprendre que ça, c'est pas relié à l'islam, c'est la politique, c'est l'économie. Sauf que ça touche à l'islam, et c'est relié à l'islam, parce que dans l'islam, il y a des choses qui sont enseignées qui viennent en contradiction avec ces idées-là. Donc, le fait de ne pas savoir ça, c'est ce qui fait que beaucoup de musulmans acceptent des principes des koufars et des idées des koufars sur le plan politique ou économique ou social. Et ils disent, ça c'est des choses de la vie, de la dunya, ça n'a pas rapport avec la religion, alors que c'est directement relié avec les fondements même de l'islam. Et ça c'est à cause de l'ignorance de beaucoup de musulmans sur ces questions-là. Il y en a qui vont dire, où est le mal d'être laïque et musulman? Où est le mal d'être communiste et musulman? Où est le mal d'être démocrate et musulman? Où est le mal d'être socialiste et musulman? Il y a même des partis qui se disent islamistes, hein, et des auteurs et des soi-disant prêcheurs islamiques qui se disent appelés à l'islam et à la charia et qui disent que l'islam c'est un système socialiste. Hein? C'est Qutb dans ses livres, c'est ce qu'il enseignait. Hein, Mohamed Al-Ghazali, ce qu'il disait dans ses livres, il a même écrit un livre sur l'égalité dans l'islam ou la justice dans l'islam, en parlant de Omar ibn al-Khattab, et il a dit que c'était le premier socialiste dans l'islam, ou des choses comme ça. Donc quand tu vas commencer à déformer la réalité de l'islam de cette façon, puis présenter aux gens des choses complètement, d'une manière complètement déformée, eh bien c'est ça le résultat. Tu appelles au kufr, mais en parlant de l'islam. Tu parles du kufr et tu appelles les gens à des idées qui sont kufr, mais tu leur fais croire que c'est l'islam en même temps. C'est grave, hein? Maintenant, il y en a des femmes, par exemple, pour te dire, ils appellent à faire des, par exemple, parades de mode de hijab. Hein? C'est pour dire comme s'ils vont faire des parades de mode des femmes qui sont avec des vêtements, il y en a de tabarruj, qui exposent les charmes, qui sont des vêtements que la femme ne peut pas mettre quand elle sort dehors. Mais parce qu'elle a un petit foulard coloré sur sa tête, ça devient un, entre guillemets, hijab. Et donc, on peut faire des parades de mode maintenant de hijab. Et tu vois des femmes qui font ces choses-là, puis après ça, elles mettent ça sur Internet. Donc, c'est pour dire comment ces gens-là arrivent à déformer l'islam, à faire qu'est-ce qui est contraire à l'islam, puis essayer de le faire passer comme étant quelque chose d'islamique. Hein? Et ça, il y a plein d'exemples comme ça, en commençant par ces idées, soi-disant, il y a des politiques et autres. Ensuite, le cheikh dit, « وَأَمَّا الْمَنْهَجَ الْإِسْلَامِ فَالْحَاكِمِيَةُ فِيهِ إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ وَحْدَهُ » هنا فالحاكمية فيه لله وحده وهو سبحانه خالق هذا الكون وحده ومالكه وهو العليم الخبير مدبر شؤون عباده الحكم العدل وهو الصمد الذي يصمد إليه كل شيء والسيد الكامل في سؤدده الغني الكامل في غناه بيده مقاليد السماوات والأرض فلا يجوز أن يعتقد وجود العدل إلا في حكمه سبحانه أعني العدل الكامل لأن المخلوق ناقص بل النقص والفقر والعجز والظلم صفات ذاتية للمخلوق صفات ذاتية في المخلوق إن الإنسان لظلوم كفار فأن يقع منه العدل الكامل مع اجتماع تلك الصفات اللازمة له. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le jugement et la méthodologie islamique et la voie de l'islam, le jugement dans l'islam il n'appartient que à Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de ce monde. C'est lui qui est le seul maître de cet univers. Et il est l'omniscient, celui qui est informé de tout et qui contrôle les affaires de tous ses serviteurs. C'est lui le juge, c'est lui le juste, c'est lui vers qui toutes les créatures se tournent pour avoir leurs besoins. C'est lui le maître parfait dans sa souveraineté et dans sa puissance et dans sa force. Celui qui est riche, dans le sens qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Hein? Celui qui est parfait dans sa richesse, celui qui a tout, hein? Les clés des cieux et de la terre, hein? Qui détient les clés de tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, et il n'est pas permis à quiconque de croire qu'il y a une justice en autre chose que dans son jugement et dans son verdict à lui. C'est-à-dire le jugement, la justice complète et parfaite. Hein? La justice complète et parfaite. Parce que l'être humain, il est imparfait. L'être humain, il est limité. L'être humain, il est limité et ça fait même partie de sa nature profonde d'être imparfait, d'être pauvre, d'être incapable, d'être injuste. Ça fait partie de ses descriptions et de ses attributs, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui, qu'il est créé comme ça. Allah l'a créé comme ça, a créé l'être humain comme ça. Et il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit justement Inna l'insana la zaloumun kafar. Hein? L'être humain, il est injuste et ingrat. Ça fait partie de la nature humaine. Hein? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وكان الإنسان ظلوما جهولا. L'être humain était injuste et ignorant. ignorant par nature. Donc, comment pourrait cette créature, comment cette créature imparfaite, hein, pourrait-il être à l'origine de, d'une justice complète et parfaite, alors qu'elle possède tous ces attributs-là et qu'elles sont yani, intrinsèques à lui-même et elles font partie de son être. وقد يكمل الله بعد عباده كالأنبياء والكمال الكمال النسبي فيحصل منه العدل الكامل والكمال النسبي أيضا وأما الكمال المطلق من كل وجه فإنما هو لله وحده. Donc le cheikh dit, il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains de ses serviteurs une forme de perfection, pas une perfection totale, mais une perfection relative, dans le sens que une perfection qui leur convient par rapport à leur état humain. Et donc, à cause de ça, ils arrivent à avoir une certaine justice et d'établir une justice, pas une justice sur tous les plans, mais une justice relative, parce que la justice absolue et totale appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce qu'on a dit maintenant, tout ça c'est supporté par des textes que le cheikh mentionne, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Il mentionne par exemple, il dit « وَهَذَا وَبَعْدْ فَهَذَا مَا يُقَرِّرُهُ قُرْآنَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ دُسْتُورَ الْمُسْلِمِينَ وَمُنَظِّمُ حَيَاتِهِمْ وَمَصْدَرُ أَحْكَامِهِمْ وَحْدَهُ يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ويقول سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ويقول سبحانه قل إن الأمر كله لله ويقول عز وجل فاحكم فالحكم لله العلي الكبير ويقول أيضا هو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ويقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc le cheikh il explique, il dit c'est ce que l'islam a décidé et a jugé et a déterminé et c'est ce qui est obligatoire, hein, pour que dans l'islam, c'est ça qui est la constitution pour les musulmans. C'est obligatoire que ce soit ça la constitution pour les musulmans, que ce soit la charia d'Allah qui dirige et qui gouverne leur vie et qui est la source et la source et l'origine de leurs règles. Hein? Et c'est lui seul qui doit être cette origine et cette source. Et il mentionne les preuves à ce sujet-là. Le verset dans Sourate Al-An'am, le verset 57 et dans Surat Yusuf le verset 40 et le verset 68. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et le verset 10 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit et si vous divergez en quoi que ce soit son jugement revient à Allah. Le verset 10 dans Sourate Shura. Le verset 105 dans Sourate An-Nisa. Et nous avons fait descendre sur toi le livre pour que tu juges entre les hommes selon ce que Allah t'a fait voir. Hein? Et le verset 154 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit toute l'ordre entière appartient à Allah. Tout l'ordre entière appartient à Allah. Et le verset 12 dans Sourate Ghafir, donc le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. Et le verset 87 dans Sourate Al-A'raf, et le verset 109 dans Sourate Yunus, et 10 dans Sourate Yusuf. Bon, ça veut dire que ce même verset-là, on le retrouve à différents versets à différents endroits dans le Coran. Wa huwa khayrul hakimin, c'est-à-dire et il est le meilleur des juges. Et le verset 44 dans Sourate Al-Ma'ida qui dit et quiconque ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors voilà les mécréants. Quiconque ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors voilà les mécréants. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que celui qui, comme les ulama l'ont expliqué ce verset, celui qui juge pas par la, qui ne juge pas par la loi d'Allah, parce qu'il pense que le jugement d'Allah est meilleur, alors il est kafir. C'est-à-dire, s'il ne juge pas par la loi d'Allah parce qu'il croit que la loi des hommes est meilleure que la loi d'Allah, celui-là, il est kafir. Parce qu'il met le jugement des hommes au-dessus de du jugement d'Allah. Ou bien, il dit que les deux sont égales, le jugement des hommes et le jugement d'Allah. Il dit les deux sont égales. Celui-là aussi, il est kafir. Parce qu'il a mis le jugement des hommes à égalité avec le jugement d'Allah. Et celui qui dit que c'est permis, pas grave, tu peux juger par celui-là ou par celui-là, les deux c'est permis. Il rend halal de juger par autre que la loi d'Allah. Donc ça veut dire qu'il ça implique qu'il rend halal ce qui est haram. Et ça c'est kufr. Hein? Donc ça c'est une autre catégorie qui est kufr. Tandis que si il juge selon autre que la loi d'Allah, tout en sachant que qu'est-ce qu'il fait c'est haram et que c'est interdit, et qu'il suit ses passions et ses désirs à cause de sa foi qui est faible, dans ce cas-là, les ulama disent il n'est pas kafir d'un kufr qui le fait sortir de l'islam, mais c'est un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam, kufrun duna kufr, c'est-à-dire qu'il ne quitte pas l'islam, mais il a commis un grand, grand péché. Donc ça, c'est une catégorie comme ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera l'explication de ce sujet-là au prochain cours, inshallah, bi'idhnillah. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est un sujet assez sensible, assez compliqué, parce que c'est très, comme on dit, très actuel, très actualité. Mais bon, des fois, c'est nécessaire de clarifier certaines choses aussi, quand même. Mais bien entendu, un musulman, il doit toujours commencer par apprendre les bases. Et ça, ça fait partie des bases, mais c'est un élément parmi les éléments qui sont expliqués par rapport aux principes de base de l'islam. C'est pas comme Kitab al-Tawhid, que tu vas étudier, par exemple, Kitab al-Tawhid. Là, tu vas étudier tous les chapitres qui ont rapport avec Tawhid al-Ibadah, les différents aspects, avec les règles, hein. Et dans ce livre-là, il y a des chapitres qui parlent de ce sujet-là, mais pas élaborés comme qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer en détail, mais ils expliquent les principes et les règles de base. Ça, c'est quand quelqu'un veut comprendre les principes de la religion et les bases, il étudie des livres comme ça. Maintenant, ce livre-là, c'est pour comprendre un point plus spécifique, hein. Bon, ça, c'est bon pour des gens, par exemple, qui ont eu des shubuhat, qui ont eu des idées confuses par rapport à ce principe-là. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ils sont mélangés. Ils ont besoin de compréhension. Eh bien, des livres comme ça, ça peut les aider parce que, yani, c'est quelque chose qui répond à certaines allégations ou certaines ambiguïtés que certaines personnes peuvent avoir. Et que tu ne peux pas trouver ça parfois toujours partout. Hein? Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.